C'est moins une communication historique que je vous propose ce matin qu'une réflexion toute personnelle autour de ce thème des foyers parisiens à la fin du siècle de Louis XIV que je veux lier avec une phrase que je trouve importante de Sébastien de Brossard dans son catalogue. Il note ainsi à propos des organistes, il note ainsi à propos des sonates en trio d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, tous les compositeurs de Paris, surtout les organistes, avaient en ce temps-là, on est en 1695, pour ainsi dire, la fureur de composer des sonates à la manière italienne. Une modernité, donc. Brossard aurait pu ajouter aussi les autres musiciens d'église compositeurs, notamment les maîtres de chapelle, comme lui-même. Il aurait pu également préciser, à Paris, mais aussi dans le reste du royaume. Comprendre l'émergence des foyers musicaux parisiens à cette période ne peut se faire, à mon avis, sans dresser un état des lieux au début des années 1680. C'est pourquoi j'ai proposé aux organisateurs, que je remercie, d'aborder ce sujet en ouvrant le débat avec quelques questions générales. L'émergence de ces foyers parisiens et l'émancipation du goût de la cour s'appuient-elles sur des modèles préexistants? Existait-il des pratiques similaires en France au début de cette période? D'où viennent ces compositeurs qui animent ces foyers? Pour ce faire, je traiterai successivement, à partir de quelques exemples choisis dans un corpus assez important, donc de ces compositeurs, principalement liés à l'Église, souvent actifs dans les provinces du royaume, qui contribuèrent, pour beaucoup d'entre eux, au nouveau goût dans les foyers parisiens. Dans un second temps, je voudrais tenter de montrer comment ils furent reçus dans ces foyers, pour me hasarder ensuite, si possible, à définir quelques critères de cette modernité parisienne à la fin du règne de Louis XIV, notamment à travers un genre, celui du divertissement, ou pour reprendre les termes de Nathalie Berton, du petit opéra. Le Mercure est l'une des rares sources qui nous permettent d'observer les pratiques provinciales, même s'il privilégie tout ce qui touche à la cour et à Paris. Mais il souligne en 1678 que, je cite, « Quoique Paris soit le lieu de France où les plus agréables parties se font, il y en a de galantes qui ne laissent pas de se faire ailleurs. » Bien souvent, les commanditaires ne sont pas même mentionnés, comme dans ces fêtes galantes données sur les bords de la Marne à 12 lieues de Paris le mardi 4 octobre 1678. Le lieu n'est pas précisé, mais on peut le situer près de Meaux. Quant au compositeur, il n'est malheureusement pas nommé. Ces fêtes galantes furent fastueuses ou du moins décrites comme telles, en représentant en effet les fâcheux de feu Molière, en prenant soin de différencier chaque acte par différentes musiques. Les violons seuls jouèrent d'abord l'ouverture, après le premier acte, les flûtes douces se firent entendre, les hautbois après le second, une voix avec un théorbe après le troisième, et ensuite les hautbois et les flûtes douces se joignirent avec les violons pour former ensemble la symphonie de l'adieu. Le lendemain, les fêtes continuèrent et l'on accourut en foule au château pour assister à une pastorale. Le jeudi, l'on donna une bacchanale avec d'autres instruments, timbales, fifres, trompettes et tambours de basque, mais aussi des voix et un chœur. Le lendemain, dernière journée, il y eut un feu d'artifice, puis l'on donna une longue sérénade à deux belles enfermées qui commença par une chanson italienne en duo accompagnée d'un théorbe. Les violons jouèrent ensuite les plus beaux airs de l'opéra. Et l'on enchaîna sur une chanson française, chantée par une seule voix admirable, suivie d'un chœur de bergers et des bergères. Le spectacle s'acheva par un concert des violons, des flûtes douces et des hautbois, qui répondit au bruit des timbales, des fifres, des trompettes. Durant l'été 1677, à Montpellier, il s'agit cette fois d'une fête galante, offerte par M. Delacquaire, capitaine de galère, à Mademoiselle de la Vérune, héritière qu'on tient riche d'un million, qu'il envisageait évidemment d'épouser. Plusieurs cabinets furent préparés, chacun avec des plaisirs différents. Le premier pour la table, évidemment, un second pour un concert admirable de hautbois, un troisième pour les violons et dans le dernier, une excellente musique. Le dernier concert achevé, la soirée se poursuivit comme d'habitude par un feu d'artifice et pour clore ce bel ordonnancement, des acteurs donnèrent une comédie. Dans le palais de Pierre Bonzy, archevêque de Toulouse, homme d'église, mais aussi maître des États du Languedoc, on donne en 1678 un mélodrame en Languedoc, l'opéra de Frontignan. L'année suivante, le même commanditaire fait jouer une manière d'opéra très agréable composée par Monsieur de Sablière. Une manière d'opéra, pour dire probablement un divertissement dansé en un acte avec soliste chanteur, chœur et orchestre, de ce genre qui commençait d'être à la mode en province, peut-être avant ceux créés à la cour au début des années 1680. C'est ce type de divertissement que l'on donna aussi à Marseille le 5 février 87 chez l'intendant de la province. Un théâtre fut dressé et l'on représenta un opéra fait exprès par un poète local, Balthazar de Bonne-Corse. La musique de ce Jugement du soleil perdu avait été composée par Pierre Gautier. On pourrait poursuivre longtemps encore avec le ballet impromptu donné par le duc de Saint-Aignan au Havre au printemps 78, pour lequel M. l'abbé de Caen, qui est un personnage et pas un abbé, contribua fort à la beauté des concerts et des airs qui furent chantés dans ce ballet. Ou à cette fête marine au Croisic, donnée par M. Delaunay en juin 78. Ou d'autres au château de Richelieu, à Dieppe, Angers, Aix, Vernon, Essonne ou à Chalon-sur-Saône. Là, à Chalon, en août 79, pour M. le Duc, on alterna des dialogues italiens de la façon du fameux Carissimi avec un autre de la composition de M. l'abbé Mailly. Monsieur Malatesta à Dijon a établi chez lui depuis longtemps un concert italien. Vous connaissez cette anecdote. Ces quelques exemples montrent l'importance de l'activité de ces foyers musicaux chez des particuliers loin de Paris, mais aussi certaines pratiques que l'on retrouvera quelques années plus tard, précisément chez nos Parisiens. À ces pratiques particulières, il faut évidemment ajouter les institutions, et en tout premier lieu les collèges jésuites dans tout le royaume, mais aussi à Paris, qui produisent chaque année des spectacles nouveaux en français, ballets, divertissements, servant généralement d'intermède à une tragédie latine déclamée par les élèves. Ces spectacles nécessitent souvent de très importantes dépenses, notamment pour le paiement des musiciens et chanteurs professionnels qui sont recrutés dans les institutions locales. Il est inutile ici de détailler ces spectacles qui sont bien connus, notamment à Paris, grâce à la thèse de Marie de Méliès. Je me bornerai à rappeler que les poètes, les musiciens et les chorégraphes, très rarement nommés dans les sources, sont souvent déjà au service de l'institution, comme par exemple le maître à danser La Bruyère du Collège de la Sainte-Trinité à Lyon en 1711. C'est le cas aussi de certains compositeurs au Collège Louis-le-Grand à Paris. Mais ce sont là des exceptions. La plupart des autres sont engagés ponctuellement par les jésuites, comme, pour ne citer qu'un seul personnage, Danielis, que connaît si bien Catherine Sessac, maître de chapelle à la cathédrale de Vannes, qui compose et chante en 88 pour le collège de cette ville un ménalque pastoral en musique sur un livret de Bochard de Saron, professeur du collège. Les collèges jésuites représentent des foyers musicaux très importants, pérennes et attirant un public local nombreux. À Paris notamment, pouvaient s'exprimer des musiciens qui n'étaient pas en cours, parfois célèbres comme Charpentier, encore peu connus comme Campra, ou plus du tout en cours comme Desmarais à la fin du XVIIe siècle. Les jésuites surent également utiliser des talents parisiens, comme Claude Oudot, qui passa un temps chez le duc d'Orléans avant de devenir maître de musique de l'Académie française, ou Lalouette, qui officie à Saint-Germain-l'Auxerrois en 92, ou encore un certain La Chapelle, difficile à identifier. Ou même le chorégraphe Pierre Beauchamp, à qui les jésuites surent reconnaître des talents de compositeur. Un véritable foyer parisien, affichant des options musicales fort éloignées de celles de la cour, Marie de Méliès envisage même l'existence d'un milieu, je la cite, d'un milieu musical propre aux jésuites. Dès la fin des années 80, les jésuites optèrent pour des spectacles nouveaux, donnant à ces intermèdes la forme d'une tragédie en musique, avec prologue et cinq actes suivis. Ce fut le cas, bien sûr, vous le savez, pour David et Jonatas de Charpentier. Les jésuites tiraient parti ainsi de la mort de Lully et des difficultés de l'Académie royale de musique pour concurrencer l'opéra et proposer de nouvelles formes au drame lyrique. Ces spectacles, pour édifiants qu'ils soient dans la tragédie latine, n'ont rien de religieux. Les intermèdes français font appel à des allégories et aux dieux de l'Antiquité païenne. Ces spectacles auxquels les religieux assistaient recevaient parfois des critiques sévères, comme celle-ci. Ben, elle n'y est plus. Si, elle est là, elle est avant. Comme celle-ci, qui concerne un ballet dansé à Aix, dont le livret avait été imprimé sous le nom du père Ménestrier. Parallèlement au Collège des Jésuites, il faut citer aussi parmi les foyers actifs les académies de province qui eurent un rôle très important, pas seulement au XVIIIe siècle, mais déjà à la fin du XVIIe. L'Académie royale d'Arles commanda ainsi au nouveau maître de chapelle de la cathédrale, André Campras, âgé de 22 ans, un divertissement pour la célébration de la naissance du duc de Bourgogne, divertissement qui fut donné en octobre 82 dans la chapelle des pénitents gris. La musique fut jugée presque inimitable dans les belles variétés et douceurs de sa symphonie et d'une telle perfection qu'on la compara à celle de Lully. Le livret fut écrit par Jean Giffon, l'un des académiciens. J'insiste sur le fait que l'Académie est royale et a des liens avec les académies italiennes qui sont connues. À Toulouse, c'est à Thibaut Aphrodise, donc maître de chapelle lui aussi, que l'Académie des Jeux Floraux fait appel pour composer un divertissement composé en avril 84 dans le grand consistoire de l'Hôtel de Ville. Le livret était dû à la plume de Jean Palapra, doyen des capitouls de Toulouse. Enfin, il y a le cas très particulier de l'Académie de Strasbourg que créa Sébastien de Brossard au début des années 90. Cette institution réunissait régulièrement les chanteurs de la cathédrale et les instrumentistes de la ville pour donner en concert des opéras de compositeurs français, comme par exemple l'Alceste de Lully ou Céphale et Procris d'Elisabeth Jacquet-Daguerre. Beaucoup de ces divertissements ordonnés par des particuliers ou par des institutions représentent donc de véritables foyers qui sont établis depuis longtemps et qui ne sont pas uniquement circonstanciels. Il montre surtout que tous les ingrédients de divertissement que l'on peut voir dans les foyers parisiens à la fin du règne de Louis XIV sont déjà réunis au plus loin de la cour, avec une importante représentation des formes opératiques onéreuses, l'engagement des musiciens d'église et un goût pour la musique italienne, ou du moins italianisante. Le genre du petit opéra est, de loin, le genre musical le plus propre à frapper les esprits, ce qui ne veut pas dire que d'autres genres de musique de chambre, comme la cantate ou la sonate, n'aient pas eu leur place dans ces foyers, bien au contraire. Mais par la dépense que le petit opéra occasionne, il montre la richesse du commanditaire et suscite des commentaires élogieux dans les périodiques ou les correspondances. Ce qui vaut pour la province vaut évidemment pour Paris. L'exemple des débuts de Campras est intéressant. En à peine un an, le voilà, chez le marquis de Livry, chez le duc de Sully, avec ce divertissement que vous avez entendu hier soir, ou chez Madame de la Ferté, et peut-être encore une nouvelle fois pour le mariage de la fille de Madame de la Ferté. Voulant peut-être se distinguer des pratiques musicales de la cour, ces commanditaires font appel à des artistes nouveaux, généralement arrivés depuis peu à Paris et extérieurs à la cour. Le cas d'André Campras est certainement le plus significatif. Formé à Aix-en-Provence, successivement maître de chapelle des cathédrales d'Arles et de Toulouse, il arrive à Paris au début de 1994. Ayant probablement de solides appuis, il obtient dès juin de cette année le poste de la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Il a alors 34 ans, est alors assez peu connu et compose à la manière des musiciens du Midi, d'une manière qui est toute nouvelle à Paris et à la cour où on est plus habitué au style des artistes du Nord. Pourtant, en moins de 3 ans, sa réputation est faite et il a ses entrées dans tous les nouveaux foyers parisiens. Le divertissement pour le duc de Chartres, que vous voyez, est un bon exemple pour apprécier les choix des commanditaires. Historiquement, tout d'abord, l'hommage au duc arrive à un moment crucial de la carrière du jeune prince, alors que se discute le contenu du futur traité de Ryswick. Les récentes victoires du duc dans les Flandres créent des jalousies à la cour et des dissensions, ce qui amène Louis XIV à priver le duc de tous ses commandements, précisément en 97, l'année de cette œuvre. Dans ce contexte, l'hommage rendu au duc de Chartres est donc la marque d'un soutien fort au prince et bien sûr la marque de la fidélité du duc de Sully, le commanditaire. Du point de vue artistique maintenant, ce divertissement réunit une jeune génération qui se cherche une identité culturelle, distincte de ce qui se fait à Versailles. Pour mémoire, le duc de Sully n'a que 33 ans, le duc de Chartres à peine 23. Mais cette jeunesse ne concerne pas seulement les commanditaires. Le choix de Sully se porte sur deux jeunes artistes encore peu connus, Campras, mais aussi Antoine Houdard de Lamotte, qui n'a alors que 25 ans. On ne connaît de lui à cette date qu'une comédie, Les Originaux ou l'Italien, joué à l'Hôtel de Bourgogne 4 ans auparavant, avec des airs composés par un certain Monsieur Masse, que je n'ai pas pu identifier. Le livret d'Oudart de la Motte est symptomatique, me semble-t-il, de ce qu'attend le commanditaire. Il fallait au duc de Sully une œuvre courte, avec des effectifs importants, et une écriture théâtrale directe, à l'opposé de celle de la tragédie lyrique. Un sujet où règne, pour reprendre les termes du livret, l'allégresse, les plaisirs, les accords harmonieux, et surtout de l'aimable et du tendre. Il fallait une intrigue rapide et sommaire, en forme de prologue, dans laquelle Mars et Apollon se disputent la meilleure manière de rendre hommage au duc de Chartres. La musique du divertissement de Campra est très nouvelle dans le contexte parisien de l'époque. Le compositeur vient d'arriver à Paris avec son style, les manières acquises à Aix et à Toulouse, probablement bien différentes de celles des musiciens parisiens. C'est précisément ce qui a plu à Sully. Le divertissement pour le duc de Chartres est l'œuvre la plus ancienne que nous connaissons de Campra. Elle nous donne une idée de ce que put proposer ce jeune maître provincial à cette époque, mais aussi de ce qui put intéresser le jeune prince qui le choisit. Ici, pas d'ouverture à la française. L'œuvre commence directement sur le prélude de la nuit que vous voyez. La rupture est déjà importante par rapport aux œuvres similaires composées pour la cour. La pièce fait appel à un effectif certes important, 3 chanteurs, un orchestre bien fourni et une basse continue. Mais cet orchestre est inhabituel, avec des cordes écrites à 2 parties dans les danses, ou en trio, avec également des bassons et des flûtes assez nombreuses, puisque les 3 parties de flûte sont notées au pluriel, y compris pour les basses de flûte. On retrouve là ce même dispositif que chez Charpentier. L'écriture orchestrale peut sembler très particulière pour l'époque à Paris. Les pièces instrumentales sont à 2 parties, rassemblant tout l'orchestre, tout le reste étant composé en trio. Mais un trio où les seconds violons hésite entre une fonction de second violon et celle d'alto, ce qui évoque là encore un usage provincial que l'on connaît à travers les intermèdes de Brossard à Strasbourg ou certains motets de Campra conservés à Aix. De même, le duo de basse que, pour le couronner, chacun de nous s'apprête est original pour l'époque. Campra utilisera à nouveau cette combinaison quelques années plus tard dans « Suivons la fureur et la rage » dans Tancrède en 1702. Pour les contemporains, c'était toutefois une marque de modernité, et le cerf de Abbeville s'en étonne même. Il m'a fait d'autant plus de plaisir, il parle de Tancrède, il m'a fait d'autant plus de plaisir qu'il est difficile et extraordinaire de faire chanter 2 basses ensemble. Le cerf rappelle aussi que Lully ne l'a fait qu'une seule fois dans Proserpine. Le divertissement pour le duc de Chartres fut donc une grande première pour les 2 jeunes artistes qui collaboreront quelques mois plus tard et avec le succès que l'on sait dans l'Europe galante. Ce type d'œuvre fleurit dans les hôtels parisiens avec leur lot de modernité musicale. Ce sera par exemple Vénus et Fête galante de Campra en 98, quelques mois plus tard, donc composé cette fois pour Madame de La Ferté sur un livret d'Antoine Danchet, jeune poète auvergnat de 27 ans. Professeur de rhétorique chez les jésuites. Vénus comprend plusieurs marques de modernité. Tout d'abord, un air italien, Non si può veder un volto. Et on constatera que l'autre petit opéra de Danchet, cette fois réalisé pour la cour, Apollon et Daphné, construit sur le même plan, un prologue suivi d'un divertissement, n'en comporte pas. Vénus, c'est aussi une construction musicale très singulière, avec l'imbrication de reprises de mouvements entiers, donnant une belle assise à la pièce. Ce procédé, utilisé ici par Campra, avait déjà été éprouvé par Lully, père, dans son idylle sur la paix, 3 ans auparavant, et créé à Sceaux. Parce que de dimension modeste, ces divertissements joués dans les foyers parisiens, comme ceux de province, conviennent parfaitement au dessein des commanditaires. Par les forces musicales engagées, elles rappellent le luxe de l'opéra, sans avoir la longueur des tragédies lyriques, ce qui permet de séduire les invités avec d'autres plaisirs, notamment celui de la table. Ce rapport à l'opéra est évident pour les contemporains et le Mercure en convient. Je cite, « Les opéras sont devenus si forts à la mode qu'on en représente beaucoup de petits dans les maisons particulières. » Par ailleurs, ces divertissements ne sont guère encombrés par des intrigues trop complexes. On l'a vu. On y retrouve dans des postures très conventionnelles les mêmes personnages de la mythologie qui ornent la scène de l'opéra et que chacun connaît. Ici, leur caractère est réduit au strict minimum. Mars, guerrier et coléreux. Pas d'aventure galante, ni d'état d'âme. Chacun peut aussi voir parfois dans ces personnages mythologiques de fines allusions. Ce sont ces allusions que Brossard et son librettiste prennent soin de préciser dans Typhon et les géants. L'application de ces paroles me paraît si naturelle qu'il ne serait pas nécessaire d'en donner une explication. Cependant, en faveur, ça c'est du style de Brossard, hein, cependant, en faveur de ceux ou qui ne savent pas, ou qui n'ont peut-être pas, qui n'ont peut-être pas entendu parler de la fable des géants, on peut dire qu'on entend ici par Jupiter le roi, par Hercule, Monseigneur le dauphin, par Typhon, le prince d'Orange, etc. Ce divertissement fut composé sur un livret de M. Desforges, dont nous ne savons rien, pour célébrer la prise de Mons en 91. L'œuvre fut probablement commanditée par Monseigneur de Fürstenberg, évêque de la cité alsacienne et bientôt abbé de Saint-Germain-des-Prés, dont le cousin Ferdinand Maximilien avait contribué à la victoire de Mons à la tête du fameux régiment de Fürstenberg. Mais on ignore où cette pièce fut créée. À Strasbourg ? Ou Brossard officier comme maître de chapelle de la cathédrale ? Peut-être aussi à Paris, chez la nièce de Fürstenberg. Le Mercure qui décrit l'œuvre ne précise pas le lieu d'exécution, mais ajoute à l'importance de l'événement en publiant intégralement le livret en tête du numéro de la livraison du Mercure, juste après une petite introduction. Bien évidemment, on ne peut traiter ce sujet sans évoquer, même rapidement, surtout devant Catherine, le cas de Marc-Antoine Charpentier, qui, chez Mademoiselle de Guise et chez les jésuites, apporte une contribution essentielle au mouvement qui se dessine. Ses œuvres profanes portent toute la marque de cette modernité, par l'écriture italienne, par leur forme nouvelle, par des dispositifs musicaux inouïs. Et je pense particulièrement à son divertissement Les Arts Florissants, à l'Epitalamio composé pour le duc de Bavière en 85, mais aussi à la Fête de Ruelle, composée la même année pour le duc de Richelieu, et qui devait être exécuté avec le Pyramétis B de Brossard, malheureusement perdu. Ce ne sont là que quelques exemples pour tenter de mieux comprendre cet esprit nouveau qui s'empare alors des jeunes générations de courtisans. Voulant se montrer avec une musique qui leur est propre, leur identité musicale, ces commanditaires puisent bien évidemment chez les musiciens du roi, parmi les plus jeunes, les plus modernes et les plus ouverts, comme nous le montrera dans un instant Thomas Lecomte. Il puise aussi chez les Italiens, Lorenzani, Gatti, Massetti, que Catherine a cité tout à l'heure, et plus tard Stuck, mais aussi largement chez les musiciens d'église, qu'ils soient parisiens ou fraîchement arrivés de province pour tenter leur chance à Paris. Leur penchant pour la musique italienne, que signalait Brossard, les incite aussi à prendre conscience que le musicien peut désormais vivre libre, sans être assujetti, leur vie durant à une institution ou à des choix stylistiques qui ne sont pas forcément les leurs. Ils trouvent dans les nouveaux foyers parisiens une source de revenus, mais aussi là, désormais, un terrain d'expression qui était moins contraint peut-être en province qu'à Paris. Camprat, Brossard, Pierre Bouteiller, Bernier, Montéclair, Morin, Bourgeois, Bouvard, Bousset, Clérambeau, Courbois, Bertin Ladouée, Renier, Toinon et tant d'autres musiciens d'église ou de la ville profiteront de cette aubaine. Tous ne firent certes pas de petits opéras, certains offrant des cantates ou des sonates à ces nouveaux commanditaires, mais pour beaucoup de ces musiciens, cela leur ouvrit la porte de l'Académie, qui elle-même ne put que tenir compte de ces changements. Je vous remercie.